déposer les mots qui l'ova dans Kéa. Moi toucher tout mes sens bas. Te vle rentrer dans l'ova pour voir quoi. Sous carreau, moins fou, les moins caves des jours. Sans vous, moins pas ni l'amour. Oh, oh. De toi.